Ici c'est mort frérot Matza, mais je serai pas de ces gars qui pleurent, disent le plus haut mais pas le brassage. J'ai fait de la place à mes kickers, lance pas le défi de cramer des rimes et sois paré, faudra nous tester avant. Mais dis-moi qui le ferait, plutôt que parler, rédige un testament. Néglige pas tout car ce petit con finira grand taré. Te couche si tu les touches, te donne 10 E contre leur cran d'arrêt. J'écoute c'est que des bouches, des petits teigneux qui jouent les grands barrés. Si tous te filent des coups, moi je ferai mieux, pourquoi nous comparer. Je prends le pari qu'on fera pas tâche dans vos décors. Voici la preuve qu'on peut plier des prods sans passer par Paris. Je sais que mes gestes blasent parti, j'attaque sans tact à toute épreuve. À tous ces traves, on parle de rap et pas de tarifs. C'est pour ceux qui se débattent et tous les sales. Quand ce qu'on décale, je fournis du sale au prix des bars. Je m'en fous de leur sale au prix des bas. C'est court, malgré le temps, le prix d'effort nous fera pas ferrailler. C'est cool d'en faire autant, mais c'est le désordre et j'ai affaire ailleurs. Yo. Arthur Tam, Nigo Tam, il cap, pas de surplace, ni trop d'amis de droite, pas besoin que la vérité s'immole. Absurde, la mythomanie gagne, j't'assure que ce niveau d'abîme lasse. Tout ce pipo s'abîmera, ta main en l'air pour la tendance qui tape le micro par miracle. Plume sadique ou quasi trash, ils gazent mais finissent par chnica. Si je m'en ai pour que l'incense au prix d'effort et de pages qui se froissent. On pactise pas, pas de parure, c'est rue de la poubelle. J'passerai peut-être par la case départ, pas par une cellule à Coulaine. Souvent j'ai le code viden, j'en prends lourde magie noire. Rendant ma tête, j'ouvre grand les portes, si t'aimes l'ambiance, goulag chinois. Ça me rend abstraite sous ce talon, j'ai j'prends la cage d'un tigre. On part la main pour mieux la plonger dans un bain d'acide. Fait de façon faux, courir la retraite, sauf quand l'impasse s'avance. J'ai pas trop de sous, j'pourrais pas faire fou dans une Tesla menthe. Rapport rondeur où y'a des gains, j'escu bien d'accablement. J'attends mon heure pour la déclinguer sur un canapé d'angle. Spirale sombre où les démons transcendent. Mépris d'inspiration, vous les démontrez ensemble. C'était en trempleur et tant lutter pour as. C'est lutter devant l'ampleur, l'étendue des bourrasques. Qu'on parle seul de ceux qui brisent, qu'on énumère et tremble. Les yeux qui brillent sont les lumières d'écran. On garde dans le fond ce que l'on enferme, nos trépas signes. Sans sourciller comme si l'enfer montrait pas de signes. Trop déception, nous remettrons terre à terre. Au décès le son qui nous berce, illusion qu'on laisse trop terre à terre. Masque, on prend les styles hip-hop, mène une vie rock'n'roll. Si ce qu'on incrimine porte, ils devineront qu'elle rôde. Je reste discret, mène ma part quand dit des pittoresques. Et pour la rime tranchante dans cette bataille, quand dit des pics, qu'on reste. Une carré rouge en bas de l'écran, vu que je traîne la part de l'ombre. Un carré rouge en bas de l'écran, vu que c'est de la part de l'ombre. Mm-hmm.